إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah. Et on a commencé le cours au sujet de Ar-Riya'u wa Sum'a. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est Ar-Riya et qu'est-ce que c'est As-Sum'a? Non, barakallahu fik. As-Sum'a. D'accord. Donc, As-Sum'a, c'est la même chose, mais pour qu'est-ce qui est audible, c'est-à-dire de se faire entendre pour plaire aux gens. C'est-à-dire de dire des choses As-Sum'a. Sin, yani, mim, ayn, et tamarbuta. Donc, c'est pour dire, tu dis des choses, tu parles des choses de la religion, tu glorifies Allah, tu fais du dhikr, ou tu lis le Coran pour que les gens te glorifient, pour dire, ah, tu parles bien, tu récites bien, ou des choses comme ça. Donc, on a un âme. Ça rentre ensemble. Les deux, ça, c'est ce qu'on traduit par de l'ostentation. Ok, de l'ostentation, c'est-à-dire de faire des œuvres pour se montrer. Des fois, ça me fait rire quand les koufars ils parlent des signes religieux ostentatoires. Hein? Ils parlent du hijab, ils disent que c'est un signe religieux ostentatoire. L'ostentation, c'est pas ça dans l'islam, al-riya. L'ostentation, c'est pas de porter des vêtements religieux ou de pratiquer sa religion devant les gens. Il y a des choses que yani dans l'islam qui sont ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fait devant les gens de les mettre en application et que les gens les voient, c'est pas ça l'ostentation. L'ostentation, c'est dans le cœur. L'ostentation, c'est dans le cœur de la personne qui fait les actions et non pas dans l'action elle-même. Donc si une femme porte le hijab pour se faire glorifier, ça c'est de l'ostentation. Mais si elle porte le hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala et que yani, elle se couvre islamiquement, ça c'est, si elle le fait avec sincérité pour Allah seul, ça c'est pas de l'ostentation, même si les gens vont la voir. La même chose pour la personne qui vient prier à la mosquée. Les gens la voient prier. Est-ce que ça veut dire que parce que la personne, elle se fait voir par les gens, que c'est nécessairement de l'ostentation? Non. Parce que si elle prie pour Allah, hein, dans ce cas-là, c'est une prière sincère pour Allah seul, même si les gens la voient. L'ostentation, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui fait sa prière. Est-ce qu'elle l'a fait pour plaire à Allah ou pour plaire aux gens ou pour se faire glorifier des gens? Donc, en principe, toute personne qui fait un acte ou qui fait quelque chose de bien, tu ne peux pas savoir son intention. S'il le fait pour Allah seul ou s'il le fait pour les gens, c'est Allah seul qui le sait. D'accord? Et donc, des fois, il y a des gens, parfois, le shaitan joue avec eux Et le shaitan leur fait croire que, yani, de faire des œuvres devant les gens, c'est de l'ostentation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Yani, ils cessent de faire les œuvres. Hein? Donc ils vont dire par exemple, moi je ne veux pas prier devant les gens, parce que si je prie, ça va être de l'ostentation, donc je veux pas être un hypocrite, donc je ne veux pas prier devant les gens. Donc ils ne viennent pas à la mosquée. Ils prient toujours tout seul, à la maison. Ou bien une femme, par exemple, va dire, moi je ne veux pas montrer que je suis je veux pas me montrer ma religion, donc je ne veux pas porter le hijab, parce que je ne veux pas faire de l'hypocrisie ou de l'ostentation. Donc elle marche dans la rue sans hijab. Et ça, tu l'entends de la part des musulmans qui n'ont pas appris la religion, qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas une compréhension correcte de la religion, qui, par exemple, ont des notions d'idées laïques, hein, parfois. Et donc, ils vont dire, par exemple, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de montrer musulman ou de montrer ma religion. Ma religion, c'est dans le cœur. » Hein, en voulant dire, je ne veux pas faire du ria, je ne veux pas faire de l'hypocrisie. Ça, c'est une compréhension erronée, hein, et incorrecte de la réalité de ce que c'est l'hypocrisie et de ce que c'est l'ostentation. L'ostentation, ce n'est pas de faire des œuvres en public ou de pratiquer sa religion et de montrer sa religion. L'ostentation, c'est de pratiquer sa religion et de la montrer, mais dans le but d'être glorifié par les gens et non pas d'être, de le faire pour plaire à Allah seul. C'est ça la différence. Donc ça là, c'est quelque chose de très important. Il faut que les gens yani, comprennent ça bien comme il faut. Et puis il faut avoir une bonne notion donc, de qu'est-ce que c'est en islam l'ostentation. Et c'est pas qu'est-ce que les koufars, eux, ont déterminé comme étant des signes religieux visibles ou ostentatoires. Hein? Dans l'islam, il y a des principes. C'est obligatoire que c'est visible. Et que c'est une religion, l'islam, c'est une religion qui se voit. Hein, quand quelqu'un la pratique, ça se voit sur lui. C'est pas quelque chose invisible. C'est pas comme une religion juste comme dans certaines autres religions, comme le christianisme ou d'autres, que c'est juste un truc spirituel. Ou dans le bouddhisme ou dans je sais pas d'autres, quelle autre philosophie asiatique ou autre, que les gens pensent que c'est juste de la méditation ou bien quelque chose qui a pas rapport avec la réalité de qu'est-ce que tu vis. Non, l'islam va avoir un effet sur ton apparence, sur ta façon d'être, sur ta façon d'agir, sur tous les aspects de ta vie. Donc, c'est pas juste quelque chose caché. Hein. C'est pas quelque chose que tu caches nécessairement. Tes œuvres personnelles, dans le sens tu veux faire des prières la nuit, tu veux faire des actes d'adoration surérogatoires, en dehors des prières en groupe obligatoires, tu peux les cacher. Les salafs, ils cachaient leurs bonnes œuvres. Ça, c'est bien. Mais les actes de prière en commun qu'on fait à la mosquée 5 fois par jour qui sont obligatoires, les choses qui sont obligatoires comme porter la barbe, les femmes qui vont se voiler, qui vont porter le djilbab dehors, devant, et que c'est visible, ça c'est des choses, c'est obligatoire de les faire. Et il n'y a pas d'ostentation tant que la personne elle le fait pour Allah seul. D'accord? Donc, on a lu plusieurs hadiths, quelques hadiths et des versets au dernier cours. Maintenant, on va lire un des hadiths qui est mentionné dans Kitab al-Kaba'ir. Et c'est un hadith qui est long, qui est assez long, mais qui est très très important, très bénéfique aussi. Il dit, « Wa li muslimin an Abi Huraira, radiyallahu anhu marfou'an, inna awwal an-nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah thalatha. رجل استشهد في سبيل الله فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال وهو جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرف نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال الله سبحانه وتعالى كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Donc ça c'est un hadith en fait qui est apporté par l'imam muslim selon Abi Huraira, et c'est un hadith effrayant et très épeurant pour le croyant. Ça dit que la première personne que Allah va juger au jour de la résurrection, c'est trois catégories de personnes. Le premier, un homme. Première catégorie, c'est un homme qui est mort martyr dans le sentier d'Allah. On le ramène, on lui fait connaître les grâces d'Allah sur lui et il les reconnaît. Puis on lui demande, qu'as-tu fait par rapport à ces grâces qu'on t'a données? Et il dit, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à ce que je sois tué. Et Allah lui dit, tu as menti. Plutôt, tu as combattu pour qu'on dise de toi que tu es courageux, que tu es fort. Et c'est ce qu'on a dit, effectivement. Et on ordonne à ce moment-là qu'il soit poussé en enfer sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Un autre cas, c'est l'homme qui a appris la science et qui l'a enseigné et qui a récité le Coran. Et on a ramené cet homme et on lui a fait on lui a fait voir les grâces d'Allah sur lui et il les a reconnues. Et on lui a demandé, qu'as-tu fait avec ces grâces? Il a dit, j'ai appris la science et je l'ai enseignée. Et j'ai récité le Coran pour toi. C'est-à-dire pour Allah. Alors il dit, tu as menti. Plutôt, tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur. Et c'est ce qui a été dit. Puis on va ordonner que cette personne-là soit poussée sur son visage dans l'enfer. Puis un autre exemple, c'est l'homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des largesses de toutes sortes de richesses et de biens. Puis on lui fait voir les grâces et les différents bienfaits d'Allah sur lui et il les reconnaît. Puis on lui dit, qu'as-tu fait avec ces grâces? Il dit, je n'ai rien laissé parmi les voies dans lesquelles tu aimes qu'on dépense de l'argent, excepté que j'ai dépensé de l'argent dans ces voies-là pour toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu as menti. Plutôt tu as fait cela pour que les gens disent de toi que tu es généreux. Et c'est ce qui a été dit, effectivement. Et donc, on va ordonner que cette personne soit poussée sur son visage dans l'enfer. Donc ça, c'est le hadith qui fait peur, parce que c'est une question de l'intention ici. Question de l'intention. Est-ce que tu fais tes œuvres pour Allah, vraiment? Ou bien tu fais des œuvres pour te faire voir, ou pour avoir la glorification des gens? Donc la personne peut faire beaucoup, beaucoup de bonnes œuvres. Faire beaucoup de bonnes actions et paraître bien devant les gens, mais Allah seul sait qu'est-ce qui est dans son cœur. Et Allah seul sait comment va être sa fin au jour de la résurrection. Peut-être que il n'aura pas été sincère dans son cœur, et Allah va le mettre en enfer parmi les premières personnes qui vont être jugées et qui vont être jetées en enfer sur leur visage. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, في هذا الحديث دليل على التغليظ على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. Donc il dit, dans ce hadith là il y a la preuve de la sévérité de l'interdiction de l'ostentation et de la dureté de son châtiment et l'incitation à yani, faire preuve obligatoirement de sincérité dans nos œuvres. D'accord. Et le cheikh il dit فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين كانت صورة صورة عمله أنه من أجل الأعمال وهي القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته وقد استشهد في ذلك والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله لكن لما كانت نيته ليست لله فقد حبط عمله ويوم القيامة يسحب إلى النار لأنه كان كاذبا لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما قاتل ليقال هو جريء أي موصوف بالشجاعة ففي هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وجه الله تعالى بذلك مخلصا له. Donc le cheikh il dit, donc celui qui a combattu sur le terrain de bataille, dans les sentiers, dans les terrains de bataille avec les musulmans, en apparence son œuvre, c'est une des plus belles et des plus grandes œuvres que quelqu'un peut faire dans l'islam. C'est quelque chose qui est encouragé, c'est quelque chose qui est glorifié, celui qui le fait, il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il le fait sincèrement pour Allah. C'est-à-dire de combattre dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Et il est mort martyr, c'est-à-dire il a été tué dans le sentier d'Allah. Et le fait d'être martyr dans le sentier d'Allah, ça a une grande récompense auprès d'Allah. Bien entendu, ici, ce n'est pas ceux qui se font sauter eux-mêmes et qui font des attentats suicides au nom d'Allah, puis qui prétendent que ça c'est le djihad et qui sont martyrs, là, ceux qui font des attentats terroristes. Ça n'a rien à voir avec le djihad, et ça, ce n'est pas fi sabilillah. Même que les ulama ils considèrent ça comme un suicide, et le suicide c'est haram en islam. Et celui qui se suicide, il ne va pas au paradis, il va en enfer. Donc la récompense de ces gens-là, ce n'est pas le paradis, et ce n'est pas les hur al-ayn, mais c'est yani, l'enfer et les flammes brûlantes, le châtiment d'Allah. Donc ça c'est pour clarifier juste en passant. Après le cheikh il dit, donc la personne qui est martyr et qui meurt dans le sentier d'Allah, pour la cause d'Allah, pour élever la parole d'Allah, eh bien, il a une grande importance et il aura une grande récompense. Mais parfois, celui dont les œuvres ont été faites, mais que son intention n'était pas pour Allah, ses œuvres sont vaines. Tout ce qu'il a fait sera annulé complètement, rendu nul et vain. Et au jour de la résurrection, il va être jeté en enfer. Pourquoi ? Parce qu'il était menteur, il a menti. Il n'a pas combattu pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, mais il a combattu uniquement pour que les gens disent de lui qu'il était yani, courageux, fort. Et donc ça c'est des exemples des caractéristiques qui ont été mentionnées au sujet du mérite du djihad et tout ce qui a rapport avec les récompenses qui sont reliées au djihad. Ça c'est uniquement pour la personne qui le fait, uniquement et purement et sincèrement pour Allah seul et pour son visage et non pour autre chose. Deuxième cas, le cheikh il dit وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةَ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ فِي الْعُلَمَاء فَهُوَ فِي الْعُلَمَاء وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَهُمْ عَلَى صِنْفَيْنِ فَالصِّنْفُ الْأَوَّلِ جَاءَ فِيهِمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فإذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الجنة. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie des gens qui vont être jetés en enfer parmi les trois catégories mentionnées dans le hadith, c'est les ulama et les étudiants de sciences islamiques, les savants de l'islam et les étudiants de sciences islamiques. Et ils sont de deux catégories. La première catégorie, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, celui qui prend un chemin ou qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc, si son intention, celui qui cherche la science, son intention c'est le visage d'Allah, il aura cette récompense qui va le mener au paradis. وأما الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلم لنيل الشهادات وتحصيل المال ونيل الشهرة والمنزلة الرفيعة عند الناس فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار سواء كان قصدهم طمع الدنيا أو الرياء لأنه جاء في الحديث الصحيح من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie c'est les gens donc qui cherchent la science mais qui la cherchent uniquement pour obtenir des diplômes. Cherche la science islamique pour obtenir uniquement des diplômes dans le but d'obtenir de l'argent et pour la dunya ou pour obtenir de la célébrité, de la popularité auprès des gens et pour s'élever auprès des gens. Ce genre de personnes, leur destination sera l'enfer. Leur destination sera l'enfer. Peu importe qu'ils le faisaient pour obtenir de la dunya ou par ostentation, comme c'est mentionné dans le hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Ubay ibn Ka'ab, et par l'imam ibn Majah, dans son sunan, selon ibn Omar. Il dit, celui qui recherche la science pour essayer de débattre avec les ulama, il y a des gens comme ça qui ont cette maladie-là, quand ils apprennent un petit peu de science, ils veulent partir aller débattre avec des ulama. Ou bien pour essayer de se montrer, pour argumenter avec les faibles d'esprit, ils veulent aller faire des débats avec tout le monde. Ou bien pour faire en sorte que les gens tournent leur visage vers lui. Allah va le faire rentrer en enfer. Donc le cheikh il dit, « فَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ لِأَجْلِ أَنْ يُمْدَحْ أَوْ لِيَحْصُلْ عَلَى الْوَظِيفَةِ فإذا فهذا إما أنه يريد الدنيا أو الرياء ويدخل في هذا أيضا الذين يعلمون العلم ويوصلونه للناس فإن كان مرادهم ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجة ونفع الناس فهم من خير الناس وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح فهؤلاء من الذين يقودهم علمهم إلى النار وإن كان متعلما أو معلما لأن الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. Donc le cheikh dit, celui qui recherche la science pour être glorifié des gens ou pour obtenir un emploi, un poste, donc ça c'est uniquement parce que la personne elle veut la dunya ou bien elle veut l'ostentation, elle veut se faire voir des gens et se faire glorifier. Et donc, dans ce cas-là, ça rentre dans la catégorie des personnes qui, yani, par exemple ceux qui enseignent la science ou qui font, yani, on peut inclure dans ça ceux qui apprennent la science aux gens et qui transmettent aux gens la connaissance de l'islam, si leur intention et leur but c'est de rechercher le visage d'Allah et d'établir ou de faire transmettre aux gens la preuve pour faire profiter aux gens, dans ce cas-là ce sont parmi les meilleurs hommes, les meilleures personnes. Mais si leur but et leur objectif c'est l'ostentation et de chercher à être glorifié et d'avoir les éloges des gens, Donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors, dans ce cas-là, ce sont des gens qui vont être amenés à l'enfer par leur science. Leur enfer va les amener, leur science va les amener en enfer. Peu importe si ce sont des gens qui enseignent ou qui apprennent, parce que les œuvres sont selon l'intention des personnes et non selon leur apparence extérieure. Le cheikh il dit ensuite à propos de la troisième catégorie, wa amma as-sinf ath-thalith al-warid ذكرهم في هذا الحديث فهم المتصدقون ولا شك بأن الصدقة لها ثواب عظيم والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نياتهم بخلاف ما إذا كانت نيتهم طلب المدح ليقال هو كريم ومحسن أو هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي يحب سماعها فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح في حياتهم الدنيا وأما في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله جل عز وجل. Donc le cheikh il dit, la troisième catégorie dont on parle dans le hadith et qui est mentionné, c'est ceux qui donnent des sadaqat, qui sont généreux, qui donnent de l'argent, fisabilillah. Il dit, il n'y a pas de doute que de donner de faire des sadaqat et de donner la sadaqa, ça c'est quelque chose qui, tu vas avoir une grande récompense si tu le fais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans les hadiths, on trouve plein de glorifications des récompenses, des éloges pour ceux qui donnent de leur bien dans le sentier d'Allah et qui aident les pauvres et qui donnent, qui dépensent de leur bien pour les gens qui en ont besoin. Et donc, s'ils ont une bonne intention, ils vont avoir une grande récompense s'ils sont sincères. Contrairement à la personne qui donne, mais qui donne pour se faire glorifier. Elle veut que les gens disent de lui, « Ah, c'est un homme généreux, c'est un homme qui est bon, c'est un bon citoyen », ou des choses de ce genre. C'est des choses que la personne, elle veut entendre, des bonnes caractéristiques qui sont mentionnées à son sujet, comme ça. Donc, si c'est ça son intention, eh bien, il n'aura autre récompense que d'avoir entendu ces glorifications-là dans cette vie d'ici-bas. Mais, dans l'au-delà, ils n'auront aucune récompense. Et ils seront punis en plus, parce que Ria, c'est un grand péché, parmi les grands péchés. Naam. Et aussi, il y a une chose, ça ce que je voulais dire tout à l'heure, aussi en même temps, avant d'avoir commencé à lire le hadith, c'est que il ne faut pas non plus que, à cause de la peur de faire le ria, tu t'abstiennes de faire des bonnes œuvres. Parce que t'abstenir de faire des bonnes œuvres par crainte de ria, ça rentre aussi dans le ria. D'accord? Donc si par exemple, les ulama ils ont dit, si par exemple tu vois que tu es en train de faire ta prière, tu dis, ah je vais la raccourcir parce que je ne veux pas faire de ria, bien dans ce cas-là, prolonge-la. Hein? Parce que tu ne dois pas t'abstenir de faire du bien par peur de faire de l'ostentation. Parce que sinon, ça aussi, ça devient de l'ostentation. Tu dis par exemple, oh, je ne vais pas parler devant les gens de l'islam, ou je ne vais pas ordonner le bien ou interdire le mal, parce que j'ai peur du ria. Ou bien je ne vais pas faire une khutbah, ou je ne vais pas faire un dars, ou je ne vais pas enseigner le Coran ou réciter le Coran, parce que j'ai peur de faire le ria. Non. Récite le Coran, fais la khutbah, donne, si tu as le ilm, donne ton ilm, et sois sincère. Hein? Et une bonne intention, fais-le pour Allah seul. Hein? Il faut pas. Le khajal, ça peut être naturel. Quelqu'un peut avoir la timidité, comme dans le sens, le khajal, c'est-à-dire d'avoir un peu d'être timide, pas timide, mais c'est pas la timidité, C'est ça, c'est al-haya, la timidité. De toute façon, la timidité dans l'islam, c'est une qualité. C'est quelque chose qui est louable, quelque chose qui est bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a rien dans la timidité qui est mauvais. Il n'y a rien dans la pudeur, la timidité qui est mauvais. Tout est bon. Mais le problème, c'est quand la timidité qui t'empêche de dire la vérité, la timidité qui t'empêche de défendre le haqq, ça c'est pas louable ça. La timidité qui est louable, c'est celle qui t'empêche de faire ce qui est mauvais, qui t'empêche de faire ce qui est honteux, qui t'empêche de faire ce qui est mauvais. Ça c'est qu'est-ce qui est louable. Mais la timidité ou la gêne qui t'empêche de prendre position pour défendre la vérité, puis de parler lorsque c'est nécessaire et de dire la vérité lorsque c'est nécessaire et lorsque ça va ramener du bien, dans ce cas-là, ça c'est pas louable. Ça, c'est blâmable. Le khajal, c'est d'être peureux. C'est plutôt d'être peureux ou d'être lâche. Des fois, c'est la lâcheté. C'est pas la timidité, c'est la lâcheté et la peur. Le djoubun aussi. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça. Il faut remettre sa confiance en Allah. Tawakkal à Allah. Et puis tu parles. Naam. Donc le cheikh il dit Walid Tirmidhi, et ça c'est le dernier point qui est mentionné dans ce chapitre ou dans ce point, Walid Tirmidhi fihi anna Muawiyah radiyallahu anhu lamma sami'a buka'ati lamma sami'ahu baka wa tala qawlahu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. L'imam al-Tirmidhi il mentionne après que Muawiyah radiyallahu anhu, quand il a entendu ce hadith, il a pleuré. Et il a récité le verset 15 dans Surat Hud. Et ça dit, celui qui désire la dunya et ses parures. Verset 15 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, celui qui désire la dunya et ses parures. Et on va lire le verset au complet parce que le cheikh il explique ça. Il dit هذا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى لأن هذا حديث مخيف. فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث الذين أعمالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل فمن أجل ذلك بكى معاوية رضي الله عنه ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه وهو قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والحديث مطابق للآية تماما ومثال لما جاء فيها وهذا الذي جعل معاوية يطلو هذه الآية. Donc, le cheikh il dit que Muawiya radiyallahu anhu c'était un sahabi, un noble sahabi, et quand il a entendu ce hadith il a pleuré. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui fait peur. Le cheikh il dit c'est un hadith qui fait peur, et il dit que tu vois que dans le hadith on mentionne trois catégories de personnes qui font parmi les meilleures œuvres et qui vont en enfer au jour de la résurrection à cause de leur intention qui n'était pas pour Allah. Et donc c'est pour ça que Muawiya radiyallahu anhu a pleuré. Tu peux voir deux personnes qui font ces œuvres-là. Les deux ils récitent le Coran. Les deux ils donnent fi sabilillah. Les deux ils enseignent l'islam. Les deux ils font le jihad fi sabilillah. Un il va au paradis, l'autre va en enfer. Alors qu'ils faisaient les deux la même œuvre. La différence entre les deux, c'est l'intention. Donc c'est ça qui est épeurant en fait. Et il dit que c'est à ce moment-là qu'il a récité le verset 15 et 16 dans Surat Yani Hud. Qu'est-ce que ça dit ces deux versets? Ça dit ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué, sans qu'ils soient lésés. Ceux-là, par contre, ils n'auront rien dans l'au-delà, excepté le feu. Et ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain. Hein? Et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Aynam. Il a pleuré quand il a entendu le hadith. Puis après, il a récité le verset. Et le cheikh, il dit que ce hadith-là, il est exactement dans le même sens que qu'est-ce qui est écrit dans ce verset. Et donc, c'est pour ça que Muawiyah radiallahu anhu, il a cité ce verset-là par la suite. Maintenant, on passe au chapitre suivant. Ok, et le chapitre suivant c'est Bab al-Farah. Bab al-Farah. Al-Farah ça veut dire, yani al-Surur, comme le cheikh il l'explique, c'est-à-dire la joie, le fait de se réjouir, d'être content. Ça fait partie des kaba'ir. De se réjouir. Mais on va comprendre qu'il y a deux formes de joie. Ok. C'est quelque chose que les gens ils réalisent pas ou ils savent pas, mais inshallah vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie, pourquoi al-farah c'est parmi les kaba'ir. Le cheikh il dit قول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقوله تعالى إنا كنا قبل في إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Donc le cheikh il a cité ces trois versets là pour commencer, et on va lire la traduction des trois versets en question. Moi, je vais mentionner les versets, inshallah. Le premier, c'est Surat al-Inshiqaq. C'est les versets 13 de Surat al-Inshiqaq. Car il était tout joyeux parmi les siens. Puis si tu regardes le verset au complet, c'est-à-dire, ô homme, les sourds qui sont avant, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était joyeux parmi les siens. Il pensait que jamais il ne ressusciterait. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est dans Surat At-Tur. Surat At-Tur, le verset 26. Tur, le verset 26, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Ils diront: nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte, dans la peur, dans la crainte. Après, le troisième verset qui a été mentionné, c'est le verset 44 dans Surat Al-An'am. Ça, c'est un verset qui fait peur. Quand tu lis ce verset-là, ça dit, Surat Al-An'am, le verset 44. Al-An'am 44. Ça dit, puis lorsqu'ils auront oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrirons les portes, donnant sur toute chose, c'est-à-dire l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté, se sont réjouis de, yani, se sont remplis de joie à raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Donc ça, c'est les trois versets que le cheikh a mentionnés. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Le cheikh dit « Qawluhu bab al-farah ». Al-farah huwa al-surur. Wa huwa ala qismayn. فرح محمود وفرح وفرح مذموم فالفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وبفضله ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله وبنعمه هو الفرح المشروع المحمود لأنه دليل على محبة الخير. Donc le cheikh il dit, quand on dit le chapitre de la joie ou de la réjouissance qui fait partie des grands péchés, il faut savoir que al-farah, ça veut dire la joie, le fait de se réjouir, la réjouissance. Il dit que c'est divisé en deux catégories. Il y a une joie qui est louable et une joie qui est blâmable. La joie qui est louable, c'est le fait de se réjouir de la grâce d'Allah et de ses bienfaits. Et aussi, tout ce qui rentre là-dedans parmi les choses que Allah aime. Comme le fait de se réjouir de la science, de l'islam, du Coran, et de se réjouir de la guidance de l'islam, et ainsi de suite. Et le cheikh, il cite comme exemple de ça le verset dans Surat Yunus, le verset 58, dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse, que tout ce qu'il ramasse et qu'il assemble de richesses ou de biens. Donc, de se réjouir de l'islam, de la science, et de des grâces d'Allah et de ses bénédictions et de ses bienfaits, ça c'est une réjouissance qui est louable et qui est yani légiféré. Et c'est pourquoi, parce que c'est un signe que la personne elle aime le bien. Il dit wa amma al-farah al-madhmum fa huwa al-farah bid-dunya min ajli ma fiha min al-malazzat wa ash-shahawat fa mithlu hadha al-farah madhmum li'annahu yahmilu al-mar 'ala al-ashr wal-batr kama hasala li qarun alladhi a'tahu Allah min al-mal ash-shay al-kathir فقال له قومه لا تفرح أي لا تفرح فرح البغي ولا تمطر بما أنت فيه من المال إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه ولكنه تكبر وتجبر وقال إنما أوتيت هذه الكنوز بتبعي وكدي وقوتي فما كان نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض. Donc le cheikh il explique que la joie qui est blâmable, c'est le fait de se réjouir uniquement de la dunya à cause de ses désirs, de ses plaisirs, de ses jouissances éphémères. Et ça, c'est une joie ou une réjouissance blâmable, parce que ça mène l'homme à yani la, l'arrogance et au mal et à la fierté. Il dit, c'est ça ce qui est arrivé à Qarun. Qarun, qui était un des hommes les plus riches à l'époque de Pharaon. Hein? Et ça c'est mentionné dans Surat al-Qasas, le Cheikh il mentionne le verset dans lequel le peuple de Qarun, il a dit justement à Qarun, la tafrah, hein? Ne te réjouis pas. Et le Cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire ne te réjouis pas de la réjouissance yani, de, yani, qui va te pousser à yani, à cause de qu'est-ce que tu as reçu comme richesse et comme bien, qui va te pousser à transgresser. Hein, qui va te pousser à transgresser. Et le Cheikh il cite ces versets-là dans 76 et 77 dans Surat al-Qasas. Lorsque son peuple a dit donc à Qarun, qui était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence envers eux, comme c'est mentionné dans le verset. Donc ils lui ont dit, ne te réjouis pas car Allah n'aime pas les arrogants, les gens qui se réjouissent de façon arrogante. Aynam. Les gens qui sont fiers, qui disent « Ah, moi j'ai de l'argent, je suis riche, à cause de moi, à cause de mon intelligence, ma force, hein, c'est moi qui a réussi à obtenir toute cette richesse-là à cause de mes moyens personnels. Hein, je dois rien à personne. » Il est arrogant comme ça. Et il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné comme richesse la demeure dernière, c'est-à-dire l'au-delà. Et n'oublie pas ta part de cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. C'est-à-dire, le cheikh il traduit ça en expliquant en des termes plus simples. Il dit, utilise ce que Allah t'a fait don, hein, ce que Allah t'a donné comme richesse, comme grâce, utilise-le dans l'obéissance de ton Seigneur et utilise-le dans le but de te rapprocher à lui. Mais lui, au lieu de ça, il s'est enflé d'orgueil. Il est devenu fier, arrogant, hein, et puissant contre les gens, il les a maltraités. Et il a dit, moi j'ai reçu tous ces trésors et toute cette richesse de mes propres efforts, hein, de ma propre force. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait la terre avaler Qarun. Hein, il a été englouti dans la terre à cause de ça. Et dans les versets justement qui suivent, le verset 81, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Donc tu vois des gens, par exemple, ils ont tellement d'argent, ils pensent que le monde leur appartient, qu'ils peuvent tout faire et que rien ne peut les arrêter. Ils oublient même la mort. Allah musta'an. Et puis c'est ça qui arrive par la suite, quand Allah subhanahu wa ta'ala les attrape, il les saisit, eh bien, ils voient par la suite que même avec leur richesse, hein, ils ne pouvaient pas empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de les saisir, de les prendre, hein, pour qu'est-ce qu'ils faisaient. Il dit, « Wa qala subhanahu wa ta'ala ani alladhina rakinu ila dunya wa tuma'annu biha wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'a. » Le verset 26 dans Surat al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils se sont réjouis de la vie d'ici-bas, et la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà n'est qu'une jouissance trompeuse, hein, n'est qu'un plaisir très éphémère. Mais les kuffars, ils vivent que pour cette réjouissance-là. Il dit, فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنيا وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامها وينفق مما أعطاه الله في طاعته فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنما وإنما من أجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. Donc, le cheikh il dit, il ne faut pas que les gens ils se réjouissent de cette vie d'ici-bas, mais ils doivent prendre ce qui est halal et laisser ce qui est haram. Et dépenser de ce qu'Allah leur a donné dans son obéissance. Et ils ne doivent pas juste prendre les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Hein? Comme les ce qu'on appelle les hédonistes. Hein? Les hédonistes, c'est des gens qui vivent que pour leur plaisir personnel. Hédonistes. H-E-D-O-N-I-S-M-E, je pense, c'est ça. Hédoniste. H-E-D-O-N-I. Hein? Hédoniste. H-E accent aigu. Hédonisme. Oui. H-E accent aigu. D-O-N-I-S-M-E. Donc, ça, c'est un truc là, c'est connu. Chez les koufars, comme par exemple les Romains et les Grecs. Les gens qui vivaient que pour leur plaisir. Ils mangeaient, ils faisaient les relations sexuelles, hors mariage, hein, tout ce qui était le plaisir. Ils mangeaient de la nourriture juste pour le plaisir. Même, ils disent que les Romains à l'époque, subhanallah, c'était des idolâtres, des mushrikines. Il faisait des fêtes, hein, et dans ces fêtes-là, il servait de toutes les nourritures. Et on dit qu'il mettait des pots, pour que les gens, quand ils ont fini de manger, ils ont trop mangé, leur ventre est rempli, mais ils veulent continuer à manger, donc ils vomissaient dans ces pots-là, ils se faisaient vomir eux-mêmes. Puis ils pouvaient recommencer à manger encore. Donc c'est vraiment des gens, ils vivaient que pour le plaisir, que pour la dunya. Et pour eux, l'au-delà, ça n'avait aucune signification et aucune importance. Il y a des gens qui vivent comme ça, malheureusement. Et le cheikh, il dit, il mentionne ensuite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. On a lu ce verset tantôt. فَهَؤُلَاءِ فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَنَسُوا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'ils ont oublié ce qui leur avait été mentionné, ou ce qui leur avait été rappelé, nous leur avons ouvert les portes de tous les biens. Donc eux, ils ont pensé que ça y est, n'est pas grave. Les messagers nous ont avertis, les messagers nous ont rappelé des bonnes choses, nous ont rappelé de l'au-delà, nous ont rappelé du châtiment d'Allah et de sa promesse, mais ils n'ont pas écouté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes de toutes choses, toutes les richesses, toute l'abondance. Donc eux, ils pensent que ça c'est un signe qu'ils sont dans le bien, parce qu'ils disent on continue à suivre nos désirs, à prendre notre plaisir et à vivre comme on veut, et malgré tout, on reçoit quand même beaucoup d'abondance et du bien. Donc ils pensent qu'ils sont corrects. Allah les trompe de cette manière-là. Parce qu'ils se sont aveuglés, donc Allah les punit en leur ouvrant les portes de toute l'abondance. Puis, jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce que Allah leur a donné, nous les saisîmes subitement, comme ça, par un châtiment. Et les voilà qui sont engloutis et punis par le châtiment d'Allah. Surat Al-An'am, verset 44. C'est ce qu'on appelle Al-Istidraj, les voilà désespérés. Il y a un volcan qui était je pense en Italie ou en Grèce, en tout cas une région dans, quelque part en Europe, ça s'appelle le, ça s'appelait le Vésuve, hein? Ouais, Pompéi, hein? C'est ça, la ville de Pompéi. Elle a été engloutie sous la lave. Ils ont retrouvé des constructions, des bâtiments, des gens même pétrifiés dans la lave. Quand ils ont fait des excavations, là, puis des recherches, des fouilles archéologiques et tout, ils ont trouvé des restes de cette ville antique, des gens qui ont été pris comme ça, figés par la lave, et leur corps tel quel, et leur maison et tout. Subhanallah. C'était des gens qui vivaient dans l'opulence, et dans le péché, dans toutes sortes de. Dans le shirk, dans le luxe et tout, et puis dans l'injustice. Et comment ils ont été pris subitement comme ça? Personne n'a pu s'enfuir, hein, du châtiment d'Allah. Donc, ça c'est un exemple comment parfois, d'un seul coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface complètement toute une ville au complet. En quelques instants. Mais c'est ça, les gens ils pensent que les châtiments d'Allah, que ça c'est quelque chose qui s'est terminé avec l'époque des prophètes, alayhi salat wa salam. Comme si que Allah il châtiait juste les peuples qui faisaient de la transgression à l'époque où il y avait des messagers chez eux. Non. Jusqu'à aujourd'hui, Allah il continue de punir les peuples qui transgressent les lois d'Allah. Et eux, aujourd'hui, par exemple, quand il y a un châtiment qui tombe sur un peuple, eux, ils disent, ça c'est des catastrophes naturelles, c'est causé par telle raison géographique ou telle explication scientifique. Cette tornade, c'est à cause de... Il y a eu le courant chaud, le courant froid, hein, le vent, la pression, hein, les tremblements de terre, c'est les plaques tectoniques qui se frottent entre elles et tout. D'accord? Tout ça, c'est des choses qu'ils essaient de mentionner pour expliquer ou pour justifier, mais pour détourner les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, si tu dis, ok, c'est le mouvement des plaques tectoniques, pourquoi ce mouvement-là, il est arrivé à ce moment-là, et pas à un autre moment. Et pourquoi ça a fait ça de cette façon? Eux, ils pensent que c'est quelque chose qui est dû au hasard. Et que c'est quelque chose qui est aveugle, dans le sens que ça peut arriver aléatoirement. Et il n'y a pas de sagesse derrière ça, il n'y a pas de contrôle derrière ça. Non, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, tout ce qui se produit dans l'univers est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, calculé par Allah subhanahu wa ta'ala, et rien de ce qui se produit ne sort de sa volonté et de son contrôle. Il n'y a rien qui se passe de ce que les êtres humains font ou de ce qui se passe dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que Allah il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, et il l'a créé. Ah, c'est les quatre principes de du qadar. Hein? Chaque chose qui se passe dans l'univers, peu importe qu'est-ce que c'est, Allah il l'a su éternellement, il l'a écrit dans le livre, il l'a voulu et il l'a créé. Tout. Sans exception. Depuis 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, jusqu'à la fin des temps. Il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Les ulama ils disent ça. Al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wa al-khalq. Al-irada, al-mashi'a, wal-irada. المشيئة هي الإرادة الكونية الإرادة الكونية نعم donc نعم donc ça c'est un point fondamental de l'aqida dans la croyance la foi en al-qadar Après, le cheikh il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا أي كان في حياته الدنيا سعيدا ولهذا قال تعالى إنه ظن أن لن يحور ظن أنه لن يرجع إلى ربه وإنما هي الحياة الدنيا فقط فنسي الآخرة والشاهد من الآية قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقد سبق بيان المراد منه. Donc le cheikh il dit, l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il était joyeux dans sa famille auparavant, c'est-à-dire cette personne qui reçoit sa main par derrière son dos, par la main gauche. Il était heureux dans sa famille, il se réjouissait, il était joyeux dans sa famille. Il pensait qu'il n'allait pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et être ressuscité. Il pensait que c'était juste la vie d'ici-bas seulement. Il a oublié l'au-delà. Et c'est ça le point dans le verset. Il était heureux dans sa famille. Et on a expliqué ce que ça signifiait. Ce que ça signifie. Il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ هَذِي حَالُ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَيْثُ قَالَ قَبْلَهَا فِي وَصْفِهِمْ والذين آمنوا واتبعهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين والشاهد من هذه الآية قوله تعالى على لسانهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ومعنى ذلك أن الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه لما خافوا منه نجاهم الله فلما خافوا منه نجاهم الله للشيخ الفوزان حفظه الله ورحمه رحمة واسعة يعني هذا شيخ نحبه في الله يعني جزاه الله خيرا لكل ما يقوم به من الدفاع عن هذا الدين ومن نشر هذا الإسلام وبيان العلم للأمة حفظه الله دوكيلتي. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, ensuite, le cheikh, il a mentionné un autre verset qui dit, et nous étions, nous avions auparavant, nous étions, épeurés, ou nous avions peur parmi nos familles. C'est-à-dire, nous avions peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le verset 26 dans Surat At-Tur. Nous étions parmi les nôtres dans la crainte. La crainte d'Allah. Il dit ça, c'est là, par opposition. C'est comme pour montrer, regardez l'état de ceux qui n'étaient pas croyants. Ils se réjouissaient, dans la vie d'ici-bas, ils étaient joyeux. Et ils avaient oublié le retour, ils vont être ressuscités. Et les gens de la foi, eux, au contraire, ils étaient craintifs, ils avaient peur. Ils étaient dans la crainte dans cette vie d'ici-bas, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et regardez les versets qui viennent avant dans Surat At-Tur, et il cite le verset 21 jusqu'à 26. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, les gens du paradis, en disant, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Hein, il n'y a pas de végétarien hein, dans le paradis. Il y a toute la viande que tu désires. Hein, ça, c'est pour réfuter les végétariens là, et les végétaliens qui ne veulent pas manger de viande ou qui disent que la viande, ça cause le cancer. Il ne faut pas manger. Ce n'est pas la viande qui cause le cancer, c'est les produits... Les trucs qu'ils mettent dans la viande qui rendent les gens malades, c'est pas la viande elle-même. Ils mettent plein de produits, des hormones, des je sais pas quoi encore. C'est ça qui rend les gens malades, c'est ça qui est cancérigène. Mais au paradis, ils vont manger la viande, il n'y a pas de problème. Allah Mustaan. Non, Alhamdulillah. Donc tout maintenant c'est tous les gens, il y en a un qui mange organique, tout est organique. Donc il n'y a pas de problème. Hein? Organique, c'est quoi en français, c'est quoi? Biologique? Les trucs biologiques. Donc les gens maintenant ils sont en train de revenir à ça. Parce que ils commencent à réaliser qu'ils se sont éloignés des méthodes naturelles. Tout parce que tout c'est pour le profit. Tout doit aller plus vite. Donc, ils donnent des produits pour accélérer la croissance des animaux ou bien pour des trucs comme ça. Puis ça rend les animaux malades. Après, c'est à cause de ça. Mais sinon, si l'animal, il mange normalement, tu lui donnes la bonne nourriture, il grandit en liberté, pas dans des petites cages ou dans des endroits sales. Là, l'animal, il grandit naturellement, il est bien nourri et tout. Eh bien, sa viande est meilleure. Inch'Allah, en tout cas. Ça, c'est juste en passant. Donc, ils auront dans le paradis abondamment de fruits et des viandes, et des viandes qu'ils désireront. Tout ce que tu désires. Et là, ils se passeront les uns les autres une coupe, avec des breuvages ou des choses qu'ils veulent boire, même du vin. Hein? Et c'est ça la coupe qu'elles se passent les uns les autres qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Donc ils ne vont pas devenir ivres à perdre la tête. Ils ne garderont que le bien de ce breuvage. Et il dit, et parmi eux circulent des garçons à leur service pareils à des perles bien conservées, et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum, c'est-à-dire du souffle de l'enfer. Donc le point qui est attiré dans ces versets-là, c'est que ils disent, nous étions parmi notre famille, dans la vie d'ici-bas, auparavant nous étions dans la crainte. C'est-à-dire, nous vivions dans la crainte du châtiment d'Allah. Et dans l'autre verset dans sourate Al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, ceux qui du châtiment de leur Seigneur sont remplis de crainte. Et la signification de ça, c'est que à cause de cette crainte qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas, ils craignaient le châtiment d'Allah et ils vivaient dans la crainte du châtiment d'Allah, et cela les a fait atteindre les plus hauts degrés du paradis. Et donc, pourquoi? Parce que ils ont été sauvés du fait qu'ils craignaient le châtiment d'Allah. Tandis que, tu vois par exemple dans l'exemple du verset qu'on a lu avant celui-là, ça disait, ils se réjouissaient dans leur famille, ils n'avaient pas peur du châtiment d'Allah, puis au jour de la résurrection, tu vois que ils reçoivent leur livre par la main gauche. Et dans le même verset dans sourate Al-Inshiqaq avant, ça dit innahu kana yani c'est quoi juste le verset dans sourate Al-Inshiqaq? Oui, mais le verset avant, ça dit pour celui qui reçoit son livre dans sa main droite, wa amman utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. Celui qui était qui était croyant, il reçoit sa main, il reçoit son livre par sa main droite, il aura un jugement facile, et après qu'est-ce que ça dit? Et il retournera réjoui auprès de sa famille. Donc lui, c'est après qu'il se réjouit. Dans la vie, il vivait dans la crainte. Mais dans l'au-delà, il se réjouit. Les koufars, ils se réjouissent dans la vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils sont dans l'enfer. Allah musta'an. C'est le contraire. Dans l'au-delà, le croyant. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Non. Après le Cheikh dit وفي هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل وأن على الإنسان يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أوتي الدنيا بحذافيرها فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض ومع هذا كله كان يقوم من الليل وينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام وكان يعمل الدروع ويبيعها فهو عليه الصلاة والسلام كان قد سخر الدنيا للآخرة وأما الذي يسخر العمل الآخرة للدنيا فهذا هو الخاسر. Le Cheikh il dit, donc ça nous montre le mérite de craindre Allah et d'être dans la crainte d'Allah, et que l'homme il doit rester dans la crainte d'Allah, la crainte du châtiment, même s'il il a reçu tous les grâces d'Allah dans la dunya, même s'il vit dans l'opulence et la richesse et le bien, il doit toujours vivre dans la crainte d'Allah. Il y a des kuffars, ils pensent que croire en Dieu et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pour les pauvres. Mais vivre dans la richesse et le, et quand t'es riche, quand t'as de l'argent, tu vis dans le luxe, il faut que tu sois un pervers, un débauché, que tu vives dans la perversité et le mal et l'injustice. Non, au contraire, c'est oui, les gens, c'est ça que les koufars pensent. Ils pensent que si les gens croient, c'est parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'ils n'ont rien, ou parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est le fait qu'ils n'ont rien dans la vie, donc ils espèrent en l'au-delà. Et... mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'ils détestent les Saoudiens, parce que ça vient casser leur idée, tu vois. Que tu peux être riche, avoir tous les biens de la vie, de la dunya, mais en même temps être un serviteur d'Allah, obéissant et craintif. Et c'est pour ça que quand ils voient par exemple, des gens qui vivent, par exemple, c'est pas les Saoudiens seulement, n'importe quelle personne qui a des richesses, qui vit dans le qui est milliardaire, qui a plein de richesses, et qu'il fait des péchés, ils sont contents. Ils se réjouissent. Les koufars, ils se réjouissent quand les musulmans font les péchés. Ils aiment ça. Et même, ils vont faire même un article dans un journal ou dans un magazine pour dire, oh, regardez, les musulmans dans tel pays, comme par exemple en Arabie Saoudite ou ailleurs, oh, regardez, ils font tel péché. Comme si en voulant dire, regardez, c'est des hypocrites. Ils parlent de religion, ils disent qu'ils appliquent la charia, puis après, regardez, ils font tel péché. Comme si faire des péchés, c'était quelque chose qui fait que quelqu'un sort de la religion ou de la foi. Ou bien, comme si on voulait dire que si tu dis que tu crois en Dieu, puis que tu aimes ta religion, Du moment que tu commets un péché, c'est-à-dire que t'es plus croyant, tu sors de la foi. Alors qu'en réalité, subhanallah, on est des êtres humains et tous les êtres humains font des péchés. Et le fait de commettre des péchés, ça ne veut pas dire que quelqu'un il est plus croyant. Parce que la personne, elle peut se repentir. Et la repentance, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Hein? Et eux, ils ne comprennent pas ça. Souvent, ces koufars, ils ne comprennent pas ça. L'importance et la grandeur de la repentance. Hein? Le fait déjà de reconnaître à son Créateur qu'on a fait un tort, qu'on a désobéi à ses ordres et qu'on a des remords d'avoir fait ce péché-là et qu'on revient obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on cesse de commettre ce péché. Ça, c'est la repentance. Hein? Donc ça, déjà, ça demande, hein, ça montre en fait la grandeur de cette adoration-là et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux et il aime pardonner à ses serviteurs. Donc si un serviteur d'Allah parmi les serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la richesse et le bien et qu'il l'utilise dans le bien et qu'il fait du bien avec et qu'il est obéissant à Allah, eh bien ça c'est quelque chose que Allah aime et il peut faire beaucoup de bien avec ça, son argent. Et le cheikh il donne l'exemple du prophète d'Allah, Daoud alayhi salam. Il dit Allah lui avait donné toutes les richesses. Et non seulement les richesses, il lui a aussi donné le pouvoir. Il était un roi. Et il lui a donné aussi la prophétie en plus. Et il lui a donné le khilaf hein, sur la terre. Et malgré tout ça, malgré tout ça, tous ces biens qu'il avait, il priait la nuit, il dormait la moitié, il se levait un tiers de la nuit pour prier. Et il redormait un sixième encore de la nuit. Après, il dit que le jour, il jeûnait. Hein? Un jour, il jeûnait, un jour, il ne jeûnait pas. C'est-à-dire, sa vie, c'était comme ça. Le jeûne, il faisait le jeûne qu'on appelle Saumu Daoud. Hein? C'est quoi le jeûne de Daoud? Il jeûne un jour et le lendemain, il ne jeûne pas. Le lendemain, il ne jeûne pas. Le lendemain, il jeûne. Comme ça, toute sa vie. Faisait ça. Donc, il a jeûné, on peut dire qu'il jeûnait la moitié de sa vie, il a jeûné. Ça, c'est le jeûne de Daoud. Et il mangeait uniquement de qu'est-ce qu'il gagnait du travail de ses mains. Et son travail, c'est quoi? C'est qu'il fabriquait des boucliers, naam, d'urur. Hein, ou des armures, et il les vendait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait tout donné, de la dunya et de l'au-delà. Et il utilisait ce qu'Allah lui avait donné de cette vie d'ici-bas pour son au-delà, et pas le contraire. Et là, il était reconnaissant. Et son fils, Sulayman, eh bien, c'est la même chose. Et encore plus même. Allah lui avait même donné le contrôle sur les djinns. Hein? Allah m'stah. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Même s'il ne reste pas beaucoup. On peut le finir. Il ne reste même pas un paragraphe encore. Ou un point. Donc, on va le lire, Inch'Allah, puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit: واما قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب ليرجعوا الى ربهم ويستغفروا من ذنوبهم فلم يتوبوا الى ربهم ولم يستمعوا الى نصح رسلهم وقالوا هذه المصائب أمر معتاد وقد مس آباءنا الضراء والبأساء وليس هو بسبب ذنوبنا كما يقول بعض الصحفيين اليوم وعند ذلك استدرجهم الله بالنسيان فلما أشروا وبطروا أخذهم الله بالعذاب بغتة فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أن المسلم المؤمن عليه أن يكون معتدلا أن يعيش بين الخوف والرجاء فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله بل يكون وسطا بين الخوف والرجاء. Donc on va traduire ça. Le Cheikh il dit, en ce qui concerne le verset 44 dans Sourate Al-An'am que le Cheikh a cité au début, il dit, lorsque ils ont oublié ce que on leur avait rappelé, on leur a ouvert les portes de toutes choses, l'abondance, et les biens, jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'on leur avait donné, nous les saisîmes subitement et les voilà désespérés. Le Cheikh il dit, ces gens-là, Allah les avait éprouvés par des épreuves, par des malheurs, pour qu'ils reviennent à Allah, pour qu'ils se repentent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Et eux, ils ne se sont pas repentis à leur Seigneur. Et ils n'ont pas écouté au conseil de leur messager. Et ils ont dit, ces malheurs qui nous arrivent, c'est des choses naturelles. Ils ont dit, ces choses-là avaient touché nos ancêtres avant nous. Et ils disent, ce n'est pas à cause de nos péchés que ces choses-là nous arrivent. Hein? Il y en a une fois j'avais dit ça à un Haïtien quand il y a eu des malheurs en Haïti. Il disait, ça c'est pas à cause de nos péchés que Allah il nous fait tomber toutes sortes de malheurs sur notre pays. Et moi je lui ai dit, non, au contraire, ça fait pas, c'est à cause de nos péchés. Et puis elle a dit, mais regarde les Américains, c'est la plus grande puissance au monde, et puis eux, pourquoi Allah ne les châtie pas? On l'a dit, ils font plein d'injustices, ils font plein de péchés, pourquoi Allah ne les châtie pas? Et ça c'est vraiment l'aveuglement en réalité, parce que c'est pas vrai que Allah ne les châtie pas. Allah il les châtie tout le temps. Ils ont tout le temps des problèmes. Oui, des inondations, des tornades, oui, exact. Donc il y a toujours des malheurs qui les touchent à chaque moment de l'année, différentes périodes, différents endroits, et les crimes et tout ça. Donc tout ça c'est pour dire que c'est des choses, Allah il les punit et les châtie constamment, individuellement et des fois globalement. Donc c'est pour dire, c'est faux de penser qu'Allah ne les châtie pas. Donc c'est pour dire des fois que c'est ça l'attitude de ces gens-là. Et le Cheikh il dit, c'est pas à cause de nos péchés que ces choses-là nous arrivent, c'est juste des choses normales, naturelles. Il dit, c'est ça que certains journalistes aujourd'hui ils disent. Et il dit, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a trompés, en les faisant oublier. Et lorsqu'ils ont oublié, ils se sont enflés d'orgueil, Allah les a saisis par le châtiment de façon subite. Et il dit, c'est ainsi que on a mentionné déjà, il dit le cheikh, que on a mentionné que le musulman, le croyant, il doit être modéré dans sa façon, comment il vit, il doit être modéré. Et il doit être équilibré entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte du châtiment d'Allah et l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc il ne doit pas craindre Allah d'une crainte qui va lui faire perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et il ne doit pas non plus être dans l'espoir au point où il se sent en sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il doit être dans le juste milieu entre la crainte et l'espoir. Et le Cheikh il dit, wa amma ahlu ad-dalal fahum ala aksi dhalik faminhum man ghallaba ar-raja wa amina makra Allah wallahu jalla wa ala yaqul afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun ay annahum lam yakhafu Allah azza wa jalla wa dhannu أن الله سيغفر ذنوبهم وهم لا يعلمون أن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون فهم يرجون رحمة الله لكنهم لا يأمنون مكره تعالى قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما اشتد الكرب عظم الرجاء. فهذا يعقوب عليه السلام حينما اشتد كربه يعني وحزنه على يوسف عليه الصلاة والسلام حتى ابيضت عيناه من الحزن وقد فقد أبناءه الثلاثة يوسف وبنيامين والأكبر منهم الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لم ييأس من روح الله بل قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا شأن المؤمن يحيا دائما بين الخوف والرجاء. دونك لو شيخ il dit les gens de l'égarement eux c'est le contraire, ils sont soit dans un excès ou un extrême ou l'autre, soit ils vivent que dans la crainte ou soit ils vivent que dans l'espoir. Et il donne l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le verset 99 dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ont-ils été en sécurité, se pensent-ils en sécurité du stratagème d'Allah? Nul ne se sent en sécurité contre le stratagème d'Allah excepté le peuple qui a été perdant. C'est-à-dire que ils n'ont pas craint Allah. Et ils ont pensé que Allah va leur pardonner leurs péchés. Hein? Et ils savent que ils ne savent pas que Allah est en train de ruser contre eux en fait. Mais d'une manière qu'ils ne réalisent pas, qu'ils ne savent pas. Et donc eux ils espèrent en la miséricorde d'Allah, mais c'est-à-dire ils se sentent en sécurité contre ses ruses et son stratagème. Et la personne qui ruse contre Allah, Allah ruse contre lui. Donc quand elle pense qu'elle peut tromper Allah, Allah il le trompe. Hein? Et il le fait croire qu'il est sur la bonne voie et qu'il est correct jusqu'à ce que vienne le châtiment d'Allah. Et il mentionne dans le verset 56 dans sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, hein, ou bien plutôt et qui perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur excepté les égarés. Pour dire qu'il n'y a personne qui perd l'espoir en Allah et sa miséricorde excepté ceux qui se sont égarés du droit chemin. De même que Yaqub alayhi salam, quand il mentionne le fait que par exemple il a perdu ses enfants, hein, il a perdu Youssouf, hein, et il mentionne à ce sujet là les paroles de Yaqub alayhi salam. Non. C'est le verset 87 dans Surat Yusuf. Lorsque Yaqub alayhi salam il dit ô mes fils, partez et enquérez de Yusuf et de son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc, lorsque le malheur est devenu grand, c'est là qu'il a augmenté en espoir. Hein? Et c'est pour dire que Yaqub alayhi salam, à chaque fois que sa tristesse et son malheur augmentaient, d'avoir perdu Yusuf alayhi salam, au point que même ses yeux, il est devenu aveugle à cause de la tristesse, ses yeux sont devenus blancs. Hein? Et donc, pourquoi? Parce qu'il a perdu ses fils, Yusuf et le deuxième aussi, Benyamin, est le plus grand aussi. Donc quand il a vu ça, hein, il est devenu triste. Et il mentionne le verset 80 aussi. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf ? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur et il est le meilleur des juges. » Et donc, il n'a pas perdu, il n'a pas perdu l'espoir en Allah. Hein? Il est resté confiant que, il allait les ramener. Et puis, dans le verset 83, il dit, que Yaqub alayhi salam, il a dit, subhanallah, oh belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous, hein, me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. Donc, jusqu'à la fin, il n'a jamais perdu l'espoir, hein, de retrouver ses fils. Et il dit, ça c'est l'attitude du croyant. Il vit toujours entre l'espoir et la crainte. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et justement, le prochain cours, le prochain chapitre, c'est à propos de ça, à propos de Al-Ya'as. Min rawhillah wal amnu min makrillah. Et aussi, le chapitre après, Zikru su'adhan billahi azza wa jal. C'est-à-dire de perdre l'espoir en Allah ou de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah et son stratagème. Et l'autre après, le verset, le chapitre suivant, c'est à propos d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. Donc ça, c'est les chapitres parmi les kaba'ir qui vont être mentionnés par la suite, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.